En espagnol, pour dire par exemple « je viens de le voir », on dit littéralement « je finis de le voir ». Acabo, c'est « je finis ». Acabo, du verbe acabar, finir. Hein? Pensez au verbe achever en français, acabar, achever. Et donc, acabo de, c'est je viens de. C'est un moyen facile d'exprimer le passé récent sans avoir utilisé les formes du passé, car il suffit de faire suivre cette construction de l'infinitif. Alors, comment direz-vous je viens d'arriver? Acabo de... Très bien. Acabo de, hein, littéralement, je finis de, c'est-à-dire je viens de, je viens d'arriver. Acabo de llegar. Très bien. Llegar. Hein, parce que, comme en français, dans l'expression je viens de, après acabo de, on emploie l'infinitif. Donc, llegar. Et de la même manière, il ou elle vient de, c'est acaba de. Acaba de. Alors, il ou elle vient d'arriver, ça sera acaba de. Acaba de. Il ou elle vient de arriver. Llegar. C'est ça. Acaba de llegar. Vous pouvez le redire? Acaba de llegar. Très bien. Acaba de llegar. Il ou elle vient d'arriver.